c'est ça. Dès que ça sec, c'est que y'en a trop qui ouvrent leur bec. Presque scred, y'a moins de risques d'échecs. Sinon des jeux pour les déchets, t'enchaînes des chaînes, les traques. Fais attention à ce que tu braques, car les couilles tournent quand arrive le crack. Moi j'ai des piliers solides, car j'ai le deal comme bac. Un cognon ou bataillon, j'attaque comme un comeback. Quand je veux, soit avec ma bite, soit avec mon pic. Les PD sont déguisés, c'est ça, c'est aiguisé, donc ça pique. Des blocs, rock, des clocks, plus légitimes, un clic clic quand ça débloque. Les flics connaissent le vice et toutes les pompes afriques, habitués à contrôler tout ce qui vient d'Afrique. Quand j'attends mon heure, autant que j'attends mon or. Pour mon honneur, attends-toi à ce qu'on m'honore. Le rap, le seul jeu vidéo où je prête au jeu. Vider de mes idéaux, t'étonne pas à me voir dangereux. Fennec à 75% comme mon département. A trop jouer les jeux, j'ai compris depuis le département. Tous les jours je me préserve et persévère. Hendex, si tu persévères, j'ai recours aux rimes aiguës qui rêvent d'être recouverts d'écus. J'ai découvert les traîtres, j'ai découvert leur tête pendant la crise. Mes rimes sont les couverts qui t'aident à manger. J'ai ouvert ce tiroir pour ma haine rangée. Avance pour mieux voir l'enfer du décor. Je sais pas vers où aller quand je déconne, donc j'évite les revers pour mieux repartir. J'évite d'être à l'envers pour mieux me répartir. Même s'il s'avère que j'ai du talent, j'oublie pas que comme Achille on a tous un talon. J'avance à mon rythme, esquive le calvaire, esquisse un sourire tout en restant sévère. Ces vers sont dédiés à tous les rouges en vert. Percer c'est mon objectif, j'attends plus que le feu vert. Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it